Le dirigeant suprême Kim Jong-un a reçu le 28 juillet une lettre des participants au séminaire national sur les idées du Juche tenu en Ouganda pour l'unité et le développement de l'Afrique. La lettre indique « Les événements spectaculaires de la Corée ont permis aux participants de mieux savoir que Son Excellence Monsieur Kim Il-sung, fondateur et éternel président de la République populaire démocratique de Corée, et le grand général Kim Jong-il ont jeté de solides bases de l'édification d'une puissance et accompli d'immortels exploits à cette fin. » Son Excellence Monsieur le Maréchal Kim Jong-un a consolidé davantage la position stratégique de la juillet, une lettre des participants au séminaire national sur les idées du Juche tenu en Ouganda pour l'unité et le développement de l'Afrique. La lettre indique « Les événements spectaculaires de la Corée ont permis aux participants de mieux savoir que Son Excellence Monsieur Kim Il-sung, fondateur et éternel président de la République populaire démocratique de Corée, et le grand général Kim Jong-il ont jeté de solides bases de l'édification d'une puissance et accompli d'immortels exploits à cette fin. » Son Excellence Monsieur le Maréchal Kim Jong-un a consolidé davantage la position stratégique de la Corée sur la scène politique du monde et manifesté la puissance de la Corée Juche. L'actuelle situation caractérisée par l'aggravation de la rivalité et de la contradiction à cause des menées des puissances pour intensifier leur influence et leur hégémonie dans plusieurs régions du monde demande de porter haut le drapeau de l'indépendance. Les participants rempliront leurs responsabilités dans la lutte pour édifier une Afrique indépendante, unie et prospère, et approfondiront toujours l'étude et la vulgarisation du Kim Il-sungisme, Kim Jong-ilisme. La cause juste de la Corée et la lutte des peuples révolutionnaires du monde en progression suivant les idées du Juche triompheront à coup sûr.